seule émission rap de référence. Are you ready for this? Pour une heure de direct et nouveaux sons en exclu dans toute la France. Tous les soirs sur Skyrock, 20h-21h, Planète Rap avec Fred. Ce soir, Planète Rap Tal. Et c'est reparti pour une nouvelle semaine dans Planète Rap entre 20h et 21h, pratiquement 20h, l'heure de retrouver le Planète Rap cette semaine avec notre invité. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas eu. Elle est de retour pour son quoi, 6e Planète Rap. Ouais, je crois. C'est ça, hein. Ça va bien, c'est Tal. Ça va et toi? Bah ouais, bonsoir tout le monde. Ah, je me suis trompé de cas, je me disais aussi, j'entends rien. Tiens, hop, un petit échange, excuse-moi. Pas de soucis, t'inquiète. Avec petit Arsène qui va avec. Tal, comment ça va? Bah écoute, ça va. J'ai l'impression que ça s'est pas arrêté depuis que je t'ai reçu pour toi. Non. non, j'ai pas eu un arrêté. Moment de repos. Il y a eu cette tournée incroyable. Il y a eu le mois d'août, j'ai pris des vacances, mais ça, sinon à part ça, j'étais en tournée. Bon, voilà. Tournée incroyable, Palais des Sports. Ouais. Alors c'était pour Paris, ouais. Magnifique. Tournée. Zénith de Paris aussi. Zénith de Paris. La tournée, comment t'as vécu? Bah c'est énorme. Première 91 tournée. Dates. C'était énorme. C'était c'est un truc de malade. Ah ouais, non, c'est. Je peux en parler jusqu'à demain, tellement c'est une expérience unique. C'est vraiment une aventure humaine aussi. Avec toute l'équipe, tu sais, on est sur la route avec les techniciens, avec les musiciens, les danseurs, tout. Ouais, parce que c'est un vrai show hein, sur scène. Hein. Ouais, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde sur scène avec toi. Et alors, je vais donner juste quelques chiffres pour avoir, parce que c'est bien d'avoir des chiffres de temps en temps. Tal, c'est 800 000 albums vendus en 2 ans et demi. Ouais, c'est ouf. 800 000 albums vendus. Merci. 100 dates de concert, 400 000 spectateurs. T'imagines, il y a 400 000 personnes qui ont payé une place pour te voir. C'est un truc de... Je réalise pas du tout, c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je tiens vraiment, vraiment, vraiment à remercier toutes ces personnes-là qui sont venues me voir en concert. C'est grâce à eux que je vis mon rêve aujourd'hui. Et mon rêve, c'est de faire de la scène. Et j'espère pouvoir faire de la scène jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. J'ai l'impression qu'ils étaient contents. Parce que moi, quand j'avais vu au Palais des Sports, tout le monde sortait avec un grand sourire. Tout le monde chantait dehors. Ouais, ça donnait du bonheur cool. à plein de monde. Bah c'est le but, bon, c'est le but dans la musique aussi. Et la bonne nouvelle, il paraît que ça continue puisque dès le mois de janvier, tournée acoustique. Alors là, acoustique. Exactement. Donc moins de monde peut-être sur scène. Ouais, c'est ça. Moins de danseurs. Mm-hmm. Pas de danseurs en fait. Pas de danseurs, plus ouais. formation avec des musiciens. Ça sera vraiment live, il n'y aura pas le Pro Tools avec les sons de l'album. On va le jouer Roots avec mes musiciens et des choristes. Mm-hmm. Et puis voilà, j'ai vraiment hâte parce que ça sera dans des plus petites salles ouais, en fait que les Zénith, tu sais. Par exemple, là, il y a Casino de Paris qui est une très jolie petite salle à Paris. C'est ça. 28 et 29 mars, et puis donc 40 dates pour l'instant. Ouais. Il y aura certainement d'autres qui vont se greffer. Et bah écoute, j'espère. On suivra ça évidemment. Et puis donc, Tal, aujourd'hui sorti aussi de ce que j'ai entre les mains. Ouais. De ce souvenir, de cette tournée. Bah, on était obligés d'avoir quand même un souvenir de cette immense tournée qui est en fait ma première tournée. Ma vraie première tournée, et puis je pense que c'était important d'immortaliser tous ces souvenirs. Et tu l'écoutes et voilà. beaucoup ou pas? Je l'écoute beaucoup, c'est-à-dire l'album. Tu l'écoutes? Tu l'écoutes beaucoup pas ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Même pas? Je l'ai écouté une fois pour valider mais depuis, le non. mix, etc. J'ai pas réécouté. Ouais, j'ai besoin de prendre du recul aussi. Et... Bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir l'écouter toute la semaine. Avec grand toute plaisir. La semaine, on va écouter du live. Et puis, t'es venu avec aussi une jolie idée. C'est-à-dire que chaque soir, on va proposer 3 titres. C'est ça. Aux auditeurs, auditrices de Skyrock. C'est vous qui allez décider quelle chanson elle fera en live. Ouais. Tout à l'heure, Tal, en fin d'émission. Donc, tu veux donner les 3 propositions pour ce soir? Alors, pour ce soir, donc, ça sera hashtag Tal sur Skyrock. Ouais. Et on va vous proposer 3 titres. Donc, c'est Man Down de Rihanna, Happy de Pharrell Williams ou Ragamuffin de Selassou. Alors. Donc, c'est à vous de choisir. Avec hashtag Tal sur Skyrock. Quel morceau avez-vous envie d'entendre version guitare hein, acoustique, voilà, version, avec la guitare, avec Fabien, mon guitariste, qui est là Fabien, ce soir. Qui est là, merveilleux. Il y a une invitée qu'on va présenter aussi dans un instant. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce que vous préférez entre ces 3 morceaux? Quel live va-t-elle faire ce soir entre Pharrell, Happy, Selassou, Ragamuffin et le 3e? Man Down de Rihanna. Rom, pom, pom, pom, rom, pom, pom, pom. Allez-y, vous balancez. Tiens, ça y est, c'est déjà parti. On nous dit du Happy, du Man Down. Je veux le 4e. Non, on a fait que 3. Il n'y a que 3 choix pour l'instant. Ah. Allez, dites-nous avec le hashtag Tal sur Skyrock et on va se plonger d'entrée de jeu dans le live de Tal à l'infini, le live tour. On a préparé un petit medley. Ouais. Pour te replonger justement dans cette série de concerts, ça donne ça. Bonsoir à tous. Le présent, je m'appelle Tal. Planet Rap. Rap. Voilà un petit aperçu du live de Tal qui est dispo depuis aujourd'hui. Hein, on peut le trouver à l'infini tour avec le DVD qui va avec. Donc les images et le son. Et le son sur Skyrock toute la semaine entre 20 et 21. Je le disais, tu es venu aussi avec une invitée. C'est ça. Ce soir pour débuter la semaine. C'est une artiste que j'aime beaucoup. Et voilà, aujourd'hui on était en studio. On va pas vous dire plus, mais on était en studio aujourd'hui. Ah bah non, on garde la surprise. Par contre, voilà, je me suis dit, j'aimerais vraiment l'inviter au Planète Rap parce que j'aimerais vraiment partager avec elle. Une petite reprise voilà, qu'on va vous faire ce soir. Et elle s'appelle Irma. Elle s'appelle Irma, voilà. Ça va Irma? Et toi? And I know, oh oh oh oh. And I know, oh oh oh oh oh oh oh oh. That is not a dream. Il a chanté par Tal, magnifique. Ouais, j'ai arrêté tout de suite, t'as vu, j'ai pas voulu massacrer ton morceau. Je me suis dit, autant que Tal prenne le relais, ça va mieux. Bon, ça va bien Irma? Ça va très très bien. Ça fait plaisir de te voir aussi dans l'émission. T'as reçu un petit moment, t'étais venu, je crois, avec Youssoupha. Avec Youssoupha, exactement. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Exactement. Donc, je viens toujours bien accompagné. Voilà, toujours. Bien accompagné avec Tal ce soir. Donc, belle rencontre tous les deux. Vous êtes rencontrés quand Bah, ça fait longtemps qu'on se connaît, en fait. On s'est croisés. C'est quand la première fois qu'on s'est vus Je sais plus, mais je sais que c'était. Ça fait longtemps. Une ville très. Ouais, on a fait des plateaux. On a fait quelques plateaux. On a fait des plateaux, ensemble. Bon, tiens, je vais demander à Irma si elle devait faire une reprise ce soir entre le Happy Pharrell, Mendon ou C'est la Sou Ragamuffin, t'aimerais entendre quoi toi? J'hésite entre Happy et C'est la Sou. Ça se discute pas mal pour l'instant entre Rihanna et Happy, je vous cache pas. Alors il y a pas mal de gens aussi qui disent on l'a pas entendu chanter Ragamuffin remix. C'est ça. La reprise, c'est vrai. C'est vrai qu'on t'a pas entendu, on t'avait entendu sur Skyrock avec le Mendon. Ah oui, c'est vrai. Donc c'est vrai. Peut-être, alors, je vais influencer personne. Hein. Dites-nous ce que vous avez envie d'entendre, ce sera tout à l'heure avant 21h. Irma vous fera aussi un morceau toutes les deux. C'est ça, voilà. On va faire Jackson 5, I Want You Back. Parfait. Moi qui est fan de Michael et puis Irma aussi, donc on s'est dit, voilà, c'est cool de partager ça ensemble, quoi. Et ben, restons avec l'univers de Michael, restons avec ce fantôme qui est au-dessus de nous. C'est ça. Puisqu'on va débuter avec le Wannabe Starting Something. Yes. C'est parti, c'est extrait du live de Tal, notre invité toute la semaine. Regardez la batterie. Je suis sur la batterie là en fait. Ouais. C'était l'intro. Ouh. Et là, ça commence. Merci, Nico. Oh là là, c'est trop dur, la batterie. Mais j'adore ça. Bon, est-ce que vous savez que je suis fan de Michael Jackson? Hey, on va lui rendre hommage ce soir à l'arena. Be sad and something. You gotta get over. Cette reprise, extrait du concert qui est dispo depuis aujourd'hui à l'Infini Live Tour, Wanna Be Starting Something. À l'instant, ah, tu ne me vois pas? Ouais, c'est pas grave. Il faut que je me baisse pour. Voilà, Irma voilà. Est grande. Ouais, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, grand souvenir ou pas? Ah ouais. Quand tu réécoutes ça. La captation a été faite à Montpellier. Ouais, c'est ça, à l'Arena de Montpellier. À l'Arena de Montpellier pour ce concert que vous retrouverez aussi avec les images de l'Infini Live Tour. Ouais. Il y a eu d'ailleurs sur sa tournée des petits moments, je sais pas, des petits moments. De pertes, de trucs, de. Que t'as pu perdre en route, des textes, des machins. Ah ouais, il y a eu pas mal de. Ouais, c'est ouais. Il ouais. Y a eu un truc aussi, j'ai eu la honte, enfin la honte. C'est pas grave, ça arrive. En fait, j'ai un body sur scène, en fait, avec une ceinture. Mmh. Et la ceinture, elle est tombée. Ça a lâché. Et en fait, si tu veux, la ceinture, elle cache mes fesses. Et en fait, quand la ceinture tombe, on voit un peu mes fesses, en fait. Enfin, c'est-à-dire, genre, on voit la culotte du body, tu vois. Et là, on a tout vu. Et en fait, ouais, et du coup, j'étais mal à l'aise parce que du coup, je pouvais pas me tourner parce que j'avais une choré à un moment où je devais me tourner et puis. C'était quelle date? Et en fait, là, c'était que deux. Voilà, je me rappelle plus. Un peu partout en fait. Non, ça arrivait une seule fois, heureusement. Un peu partout. mais j'étais trop mal et je me rappelle, c'était sur le passé et je chantais comme ça, le passé. Et j'étais. En fait, je pouvais pas bouger quoi, j'étais face au public. Et... Ouais, c'était assez drôle. Les gens sont contents, ils envoient des messages. Et je rappelle aussi, on l'a dit tout à l'heure, il y aura une reprise faite par Tal, version acoustique tout à l'heure. Ouais. Alors on a mis des numéros, c'est un peu plus simple. Si vous préférez le choix 1, si vous voulez qu'elle reprenne le son de Pharrell Happy, vous envoyez le 1. Le 2 pour Rihanna Mendon, le 3 pour Célasse Ragamuffin, vous envoyez via le hashtag Tal sur Skyrock. Ou 41 759, balancez tous vos messages avec ce soir pour débuter la semaine. Irma qui est là aussi avec nous. Irma, tu bosses sur quoi, non? En ce moment, sur la tournée. Je la tournée. Tournée. Voilà. Tournée. C'est ça qui est bon. Tu l'as vu? Vous êtes vu? Non, pas encore. Non, c'est pas vu encore. En fait, on se croise. C'est vrai que moi, comme j'étais en tournée aussi, on se croise sur les villes, mais on n'arrive jamais à se voir, en fait. Donc, voilà, planète. On va y arriver. J'ai de bons espoirs de la voir en acoustique, en tout cas. Ouais, ça serait cool. Et ce soir, répétition d'un morceau. Vous nous ferez un morceau en live tout à l'heure. Voilà. Toutes les deux. Avec plaisir. Entre 20 et 21, on va faire un petit jeu vu sur le net. Tal, c'est tout ce qui circule sur le net. Alors, il y a tout et n'importe quoi. Tu me dis vrai ou faux. Mm-hmm. Il paraît que tu vas prendre la place de M. Pokora l'an prochain dans le jury de Danser avec les Stars. Ah non, faux. Faux. Il n'y a pas une négociation, rien. Non, mais même, j'ai pas l'expérience pour faire jury, quoi. Enfin, tu m'y connais rien. Tu avais bien dansé. Ouais, enfin. Moi, j'avais parié sur toi, ça m'a un peu énervé. Hein, de quoi? J'avais tout misé sur toi. Ah ouais? Bah ouais. Tu en as amour. J'avais tout misé sur toi. Un peu déçu, mais. C'est pas grave, c'est une belle expérience. Ouais, c'était. Bah, on en avait parlé. Bien. Ouais. Prochain album sera une reprise de tous tes artistes préférés. Donc il y aura du Michael Jackson, du Beyoncé, du Bob Marley, du Stevie Wonder. Attends, de quoi? Vrai ou faux? J'ai pas compris. Ah, sur le prochain album? Ouais. Je sais pas. Ton prochain album sera une reprise, un album de reprise. Ah non. Non, je pense pas. Sur scène, oui, mais pas en album, je pense pas. Non. Ouais. Prochain album, c'est pour quand? Pff, aucune idée. Je sais pas, mais je vais avancer. On verra comment j'avance, en fait. Tu penses ou... Ouais, j'y pense carrément. Mmh. Bah ouais. Des choses qui avancent, non? Non, pour l'instant j'y pense, ça reste dans le coin de ma tête. Mais c'est vrai que là je veux vraiment me concentrer sur la tournée acoustique qui arrive fin janvier. Et puis après je pense que ça va venir naturellement quoi. Très bien, question, tu vas te lancer dans le cinéma après ta participation dans Nos Chers Voisins sur TF1? Si on me le propose, oui. Mais là, pour l'instant, j'ai rien de, non, rien. De concret. C'est non. Pas un truc qui te... Ah si, c'est un truc que j'aime beaucoup. Mais après, je fais passer la musique avant tout, quand même. Après, si j'ai le temps de jouer un rôle, avec grand plaisir, j'adore ça. Bon, la musique avant tout, c'est une tournée acoustique pour Tal qui débutera là, au mois de janvier. Ouais, c'est ça, fin janvier. Fin janvier. Ouais, vers le 30 janvier, un truc comme ça. Dans le 30 janvier et puis une quarantaine de dates, donc version ouais. acoustique. C'est ça. On aura un aperçu tout à l'heure, entre 20 et 21, il y aura du live. Je vais filer les premiers pourcentages qui tombent en ce moment sur ce que les gens réclament okay. comme morceau. Pour l'instant, on est 48% pour la reprise de Pharrell Happy. D'accord. 46% Mendon et Ragamuffin 6%. Ah ouais. Bon. Non, je misais sur le ragamuffin. Non, ça tombe bien, je ne l'ai pas trop répété. Eh bien, il dit 1, 2 ou 3. 1, c'est pour Happy. 2 pour Mendon. 3 pour ragamuffin. 41-759 avec le... Mendown, tu dis pas Mendon. Ça commence ? Mais c'est pas comme ça qu'on dit. Je dis ce que je veux. Non, Mendown. Je n'ai pas été aussi longtemps que toi à l'école. Ouais. J'avais pas une facilité pour les langues. Mais t'arrives à faire le rom pom pom pom, tu le fais bien. Bah, rom pom pom pom, ça je connais bien. Ça passe bien. Bon alors, si vous voulez voter pour le rom pom pom pom, c'est le 2, Happy le 1 ou Ragamuffin le 3, 41-759. Qu'est-ce qu'on met comme morceau Tal? À l'infini, on me dit dans l'oreillette. Est-ce que ouais. tu vas aller? Vas-y si tu veux. Ah non, me redis maintenant dans l'oreillette à l'international. Mais comme tu veux, ou le passé, enfin comme tu veux, regarde, t'as la liste devant toi. Ah regarde Vlad, il est énervé, il est de l'autre côté. Bah, Vlad, tu veux qu'on joue quoi? À l'international, il veut. Bon, allez, c'est parti. Allez, à l'international, c'est ce qu'on écoute. Version live enregistrée à Montpellier sur la tournée à l'infini, live tour de Tal, c'est ce qu'on découvre cette semaine. Et on balance à l'international. Cause your smile is so beautiful. Talk to me the way you talk to me, so beautiful. Dance for me, cause your body, body, body. Yeah, baby, baby, baby. It's so unbelievable. Montpellier, est-ce que vous êtes chaud ce soir? C'est extrait de À l'Infini Live Tour à l'international à l'instant. Tu vois, ça a pas changé. Ah, c'est bon, tu trouves le micro. Attends, comment on fait? Regarde la pauvre Irma, tu lui pètes les dents là. Elle est en tournée, elle habille pas en ce moment. C'est bien là ou pas? De travail. Mais attends, hop, on peut le demander. Ah, voilà. C'est mieux comme ça, mais parce que t'es très haute sur ta chaise. Attends, je me baisse. Voilà, baisse-toi un petit peu. Voilà. C'est l'émeute en même temps, comme on parle réglage et tout. Ah, je me sens petite là. Non, t'es bien. Tout va bien. C'est l'émeute, les gens sont hystériques et t'as coupé tes cheveux. Quoi? T'as vu le nombre de messages? Ouais. Non, j'ai pas vu. Le nombre de messages? Oh, qu'est-ce qu'elle a fait ses cheveux? En fait, j'ai enlevé mes extensions quoi. Ah bah voilà. J'ai triché. Une simplicité. Irma, bon. Moi j'ai toute. Elle a pas de problème, elle est tranquille en fait. Problème capillaire. Tu sais pas ce que c'est les cheveux de. Ouais, le peigne et tout. Tu peux pas tester. Beaucoup trop de peigne. J'ai décidé d'arrêter de casser les peignes, j'ai tout coupé. Bon, Irma, elle est en tournée aussi, je dis ça parce qu'elle passera par les Folies Bergères à Paris, c'est l'année prochaine, 31 mars 2015, à pas louper, et puis un peu partout dans toute la France. Voilà. Tu sais la prochaine date, tu sais où tu seras ou... C'est demain, je ne sais pas du tout où c'est, je découvrirai ce soir, n'est-ce pas? Donc mais demain. Voilà, je présente mon nouvel album qui est sorti en juin et voilà. qui s'appelle Faces. Irma, ce soir en live avec toi, Tal, entre 20 et 21, on passera encore d'autres morceaux de À l'Infini Tour. Vous continuez à voter pour cette fameuse reprise aussi, Pharrell, Rihanna ou bien encore Céla Sou. 1, 2, 3, 1 pour Pharrell, 2 pour Rihanna, 3 pour Céla Sou. 41. C'est qui le Renoir qui danse à côté de moi? Ça doit être moi. Ah, c'est les messages qui arrivent? J'ai pas vu, il y avait un message. Il y avait un mec qui a mis T'es mal Renoir qui danse à côté de Tal. Eh ben c'est... Regarde, monte là, en vert là. Sarah, là. T'es mal, Sarah qui danse à côté de Tal. Eh bien oui, c'est Irmo. Sarah, t'es pas sympa. Là. C'est Irmo. C'est Irmo qui est là avec nous. C'est un moment. C'est mon alter ego, Irmo. Il est là avec nous, il danse dans l'émission entre 20 et 21. Il y aura du live, je disais tout à l'heure, à pas louper sur Skyrock. On va revenir aussi. Qu'est-ce qu'on mettra dans un instant, Tal? Qu'est-ce que tu Alors, on va mettre, bouge pas, attends, voilà. À l'infini. Très bien, à l'infini. Après, on va écouter M'en aller ou une autre personne, comme tu veux. Ouais, comme tu veux, c'est toi qui choisis. M'en aller, faut savoir que c'est pas la version avec Canardo qu'on fait en live. On fait un rap avec Ralph, qui est mon choriste et danseur. Et si les gens ne la connaissent pas, on peut leur faire écouter M'en aller, la version. Vous êtes combien live sur scène? Alors, il y avait 5 danseurs choristes, 2 choristes pardon et 5 danseurs et 4 musiciens. Ça a été beaucoup de boulot en amont ou pas pour cette tournée? Bah, j'ai bossé pendant un mois et demi à peu près. Enfin, non-stop. Déjà bosser physiquement parce que c'est quand même un bon sport, tu vois. Et puis surtout le souffle pour danser et chanter en même temps, c'est pas évident. Donc j'ai vraiment bossé là-dessus et ça a été très très intense. Et bah c'est gravé, c'est marqué avec le CD À l'Infini Live Tour et le DVD qui va avec. C'est dispo depuis aujourd'hui, l'édition CD plus DVD. Le live de Tal, on va revenir dans quelques minutes, ne bougez pas. C'est juste après ça le retour et on balancera donc le morceau À l'Infini. L'album arrivera le 26 janvier à Lonzo des Psychiatres avec Booba, même tarif, déjà numéro 1 des ventes singles. Ce morceau, c'est ce qu'on écoute à l'instant sur Skyrock. Le Planète Rap de Tal est de retour entre 20 et 21. Ça change, Tal? Ça change les votes? Tu as suivi ou pas ce qui s'est passé là pendant la pub? Ouais, ça change. Là pour l'instant, c'est quoi? Ça change, c'est Ragamuffin. Alors je pense que tu as un peu incité les gens quand même. C'est pour ça. Ragamuffin vient de passer en tête, était tout à l'heure à 6%, désormais 36% des votants pour faire la reprise de Céla Sou. Deuxième, c'est toujours Pharrell, 34%. Troisième, Rihanna. C'est à vous de choisir. Vous envoyez soit 1 pour Pharrell, soit 2 pour Rihanna, soit 3 pour Céla Sou. 41759, le hashtag c'est Tal sur Skyrock. Et Tal nous fera le live là d'ici une grosse dizaine de minutes. Donc dépêchez-vous de voter pour choisir votre prise dans l'émission entre 20 et 21. Kéfir de Saint-Etienne, comment ça va? Yo Frédérico, ça va? Ça va et toi, tu connais la petite Tal qui est de retour avec nous? Yes, que je connais, je regarde, j'ai la télé arrive jusqu'à Saint-Etienne. C'est pas vrai. Depuis peu, eh bien elle est là ce soir dans le studio avec nous. Bonsoir. Yes. C'est cool. Mes petites sœurs kiffent vraiment. Écoute, les petites frangines de Kéfir. Moi aussi j'aime bien, mais je le dis pas, je le dis en cachette. Souvent les mecs, c'est comme ça. C'est assez plus compliqué. C'est plus compliqué. Ouais. Bon Kéfir, attention, cette semaine c'est toi qui ouvre le grand concours. Il y a plein de cadeaux pour les freestylers cette semaine. On va faire un concours avec nos amis de chez Philips, opération Shave and Play. Vous repartez avec le rasoir Click and Style de chez Philips. C'est le rasoir que j'utilise pour ma barbe magnifique de 3 jours. Ah, alors là alors ça va être impeccable. Là, je ne vous cache pas que j'ai laissé un peu, c'était le week-end, j'ai laissé un peu pousser. Mais dès demain, ce sera au top. En tout cas, vous repartez avec ce rasoir. Et puis, on lance un petit jeu qui est marrant. Vous allez faire le tour sur le skyrock.com/shaveandplay. Et vous allez pouvoir défier à des jeux vidéo, Youssoupha ou notamment Cut Killer. Et le meilleur d'entre vous pourra peut-être même raser Youssoupha. Même raser Cut Killer. Allez faire un tour, c'est sur skyrock.com/shaveandplay. Et toi, on t'écoute rapper maintenant, Kéfir. Session freestyle par téléphone, on y va ? Yes, yes, je vais essayer de d'être bon. Et bah, t'as une 30 pour tout déchirer, c'est parti. Yes. Tal. Non, mais alors. Ok, Kéfir, one mic. Yo. Si je fais un tabac, les jaloux. Métro un nicopage, trop tard, qui va l'ouel ou bave quand le pico tchatch. C'est le vitotal, c'est son mec, ton popignolé, t'es l'iris. Tu me portes l'œil bidon, mais on peut ignorer ton iris. C'est la tchatch, roulette russe, ton PC une boulette de plus. C'est du fat que j'excuse, brûler ta prochette de gus. Garde la pêche, wesh, motherfucker. Comme l'a dit Ellie, c'est la French Touch à la hauteur. Comme la Vinelli, si vous êtes hors norme, hors temps, sachez que je remets tout au tempo. Avec ma coupe au pento, je suis classé hors mode, en hors bord. Je vais surfer sur mon vague à l'âme, balancer du haut de gamme. 30 petits padawan, c'est one mic, Marshall, Médric et le pitre. Wallah, on prend le time pour t'extirper le titre. Leur mort on prédit, c'est impossible de négocier. Pire cauchemar comme Freddy, coup de griffe dans les gosiers. KF, Y, R, yo, ça fait yo, ça fait tout mon sac, c'est pas déballé. Ce son est un pas décalé. Fallait pas me demander taille et bras. Et croyant que j'allais pas les galer. Envoie le pit crack que je puisse l'étaler. Mettre une tannée, stannée. Celui qui peut me battre n'est pas né. Avant de vouloir rapper, je te conseille d'apprendre à lire. Personne ne sait exactement ce que t'es amant à lire. Tu fais croire à ton entourage que t'es un dingue et que t'es nos limites. Mais face à nous, tu n'as rien dans le ventre. Boulimique, le seul jour où t'es des choses, c'est quand t'avais de la fièvre. T'enflamme pas, si on dit que t'es le roi, c'est que t'as chopé la fête. Tu penses nous adouber, tu manques pas de toupé. Voici mon couple, coup d'épée pour tout péter. Personne peut me doubler. Où t'étais quand t'écoutais, tout est pété, tu me redoutais. Tout est sur le vol, ton coup dégoûté, voulait tous me shooter. KF, YR, Frédérico, Fab, j'espère que j'ai pas été rasoir. Waouh, bravo, classe. Je crois pas, hein. T'as l'Irma. Il a pas le temps, quoi. Il a pas le temps, Kéfir, il est fort, hein. Tu mérites largement ton rasoir. Bravo. Le click and style de chez Philips, on te l'envoie. Merci, merci beaucoup. Pour ceux ou celles qui veulent me retrouver, c'est K-E-F-Y-R, K-E-F-Y-R sur Facebook. N'hésitez pas à m'ajouter, je suis sympa. Il y a du thé, des gâteaux, ce que vous même voulez. Même quand il parle, il rappe. C'est énorme. Ah, il est fort, Kéfir, on l'aime beaucoup. Très, très bon. Et bah, merci à toi, mon pote. A plus, et ciao, et bon courage à toi pour la sortie de ton album. Merci, c'est gentil, merci beaucoup. Voilà, c'est gentil. Aujourd'hui. Et Irma, vraiment de la bombe aussi. Merci, merci, Kéfir, tu déchires. Ciao, ciao. A bientôt, Kéfir, ciao. Ciao mon pote, l'album est sorti aujourd'hui, celui de Tal. C'est la réédition, enfin la réédition non, pas la réédition. C'est tout simplement le live, cette grande tournée qui est désormais dispo avec le son, avec le DVD. Ouais, il y a deux CD. C'est un véritable bonheur et d'ailleurs elle est tellement bien Tal qu'elle n'arrête pas de bailler. C'est non. Un bon signe, j'aime beaucoup. C'est quoi, j'ai souvent mais c'est marqué. Parce que je me sens tellement bien, voilà, ici que je me sens à la maison, et alors je baille. Et le fait de bailler, d'ailleurs c'est très connu, quand vous baillez c'est que vous êtes bien. C'est exactement ça, c'est qu'on est détendu. Voilà. Donc merci, Tal, elle est totalement détendue. On va essayer quand même de la tenir éveillée jusqu'à 21h, jusqu'à la fin de l'émission. Dans un instant, on attaque les lives, peut-être en premier avec Irma. Bah écoute, tiens, d'ailleurs, j'ai pas posé la question à Irma parce que toi, tu m'as esquivé. Vous faites quoi en studio en ce moment, toutes les deux? Vous voulez savoir, hein. Je la laisse te dire alors. En fait, on fait une reprise. Ah, bah tu vois, il fallait que je m'adresse directement à Irma. C'est ça, parce que moi, je suis trop dure avec toi, en fait, tu vois. Ouais, t'es un peu dur. On fait une reprise d'un titre de Bruce Springsteen qui s'appelle Street of Philadelphia. Ah, bah oui, avec le film incroyable qui illustrait le film, d'ailleurs, Philadelphia, qui était Philadelphia, d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Un film super touchant, dur, d'ailleurs. Et donc, vous faites rien de. C'est quoi, un album de reprise ou c'est pour ton projet On s'est dit, faisons ça pour la beauté du geste. Non. Menteuse. On ne peut pas tout vous dire ce soir. Attends, déjà c'est bien, on t'a déjà dit la chanson, c'est énorme. Donc il y aura un duo Streets of Philadelphia. Voilà. Pourquoi, pour 2015? Pour 2015, ouais, pour 2015, grosso modo. Et on en saura plus sur quel projet d'ici quelques semaines. Exactement. Bon, là si on écoutait un morceau avant de passer au live avec vous deux, on avait dit quoi, à l'infini? C'est ça, hein? Je crois que c'est à l'infini. De quoi? Ouais. Ouais, c'est à l'infini, je sais que t'es perdu. Allez, balançons à l'infini version live, c'est Tal, notre invité toute la semaine. C'est le goût des larmes, de l'amour qui se fane. Une voix me dit pas toi, oui, pas toi, oui, pas toi, pas toi, oui. On s'est promis une vie d'amour et d'espoir. Rien n'est acquis, tout se finit en un regard. On s'est promis, tu sais, je suis née ainsi. J'ai l'âme qui me guide. Je suis née ainsi. À l'infini, à l'infini, tu sais, je suis née ainsi. Le temps passe et j'y vois plus clair, pas l'ombre d'un regret. Je prends l'air, non, je n'ai plus peur d'avoir le cœur abîmé. J'ai déjà vécu sans toi, je peux le faire encore. Une lueur guide mes pas. Venir mon trésor. Je sais le goût des larmes, de l'amour qui se fane. Une fois me dit pas toi, oui, pas toi, oui, pas toi, pas toi, oui. On s'est promis une vie d'amour et d'espoir. Rien n'est acquis, tout se finit en un regard. On s'est promis, tu sais, je suis née ainsi. J'ai l'âme qui me guide. Je suis née ainsi. À l'infini, à l'infini, tu sais, je suis née ainsi. Voilà, concert de Tal, voilà un petit peu l'ambiance du concert de Tal. C'était ouf. Beau souvenir, à l'infini, c'est ce qu'on écoutait. Ça s'appelle justement à l'infini Live Tour, c'est dans les bacs depuis aujourd'hui, CD, DVD, pour retrouver Tal près de chez vous. Et Tal qui a agrippé la guitare. Ouais. Irma, pareil. Avec Irma. Fabien qui est en renfort aussi. Ah, il y a de la guitare ce soir, je peux vous le dire. C'est ça. Vous êtes prêtes les filles ? On est prêtes. On commence par votre reprise toutes les deux. Ouais, c'est parti. Et puis après, on saura ce qui a été le plus demandé par les auditeurs et auditrices de Skyrock. Ça marche. You to myself, I didn't want you to run. And those hope we need, sit down in the crown. The summer won't keep you from the punch, one glass was all it took. Now it's much too late for me to take a second look. Oh, baby, give me one more chance. Show me I love you, won't you please tell me. Breaking your heart, oh, darling, I was blind to let you go. Your love and the only spirit of ride. And let me show you, girl, that I'm no one to ride. In every street you walk on, I leave tears and sun on the ground. Following with a girl I didn't even want to roam. Oh, baby, give me one more chance. Show me I love you, won't you present me. I want you back, yeah, I want you back, I want you back à l'instant. Merci. La reprise jacksonienne par Tal et par Irma qui est là aussi avec nous ce soir dans l'émission entre 20 et 21. On va donc dévoiler qui a donc remporté cette reprise, le morceau que tu vas nous faire maintenant. Il y avait un choix en proposition. Yes. Et ce sera comme ça tous les soirs, hein. Tu vas proposer, c'est ça. Il y aura trois propositions chaque soir. Ce soir, il y avait Happy de Pharrell, il y avait Ragamuffin de Célasou et Rihanna avec Man Down de Rihanna. Ouais. Qui a gagné, qui a remporté, qui a voté? Beaucoup de monde justement ont voté pour la reprise de Happy. 34%, ça s'est battu avec Célasou et Rihanna, puisque les deux sont à 33%, aussi bien pour Ragamuffin que pour le morceau de Rihanna. On va donc faire le Happy. Allez, ça marche. Tu es prête? Alors on va faire participer les fans qui sont là aussi ce soir. Ouais. Voilà. Il y a du monde, fait du un Ils peu de bruit chanter. Pour ouais, Tal, s'il vous plaît. Bah, c'est pas un mytho. Bon, c'est pas moins de bruit qu'au Zénith de Montpellier, à l'Arena j'aime Montpellier. J'aime beaucoup la proximité aussi avec les gens, c'est voilà. Ça qui est important. Et c'est ce que tu vas retrouver avec cette tournée acoustique qui débute bon, ça, j'ai hâte. Au mois de janvier. Exactement. À pas louper, toutes les dates sont évidemment sur les réseaux sociaux de Tal. Prête? Écoute, ouais. Fabien, prête. Est-ce que tu fais nous un peu de 2-3 gratos? Ben voilà. Fabien, il est prêt. Prêt pour Happy? En live maintenant sur Skyrock. Mine seems crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, you can go to space. With the air, like I don't care, baby, about the way. Because I'm not alone if you feel like a room without a roof. Because I'm not alone. entre 20 et 21 dans Planète Rap terrible. Hein. Ah, on était dedans, ça faisait plaisir cette reprise. Merci. Bien, bravo hein, tout le monde aussi. Bravo à tous. Bravo. Une sacrée équipe de choristes avec nous ce soir dans le studio. Bah, ils sont forts parce que je les ai pas prévenus, je les ai prévenus à la dernière minute, donc bravo, hein, c'est super. Bien joué. Avant de se quitter, on met un dernier morceau live, pardon Tal, tu veux bien? Bah, écoute, on va faire écouter M'en aller, très bien. Version qui live. Est, la version live qui est très différente de la version que tout le monde, que les gens ont pu écouter sur Skyrock, voilà. Eh ben allez-y, c'est sorti aujourd'hui, ça s'appelle À l'infini Life Tour de Tal avec CD plus DVD. Tu peux chanter par-dessus ou pas? Tu peux tout faire. Ok. Allez, c'est parti. Ça va toujours Montpellier. C'est l'intro. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Vous êtes magnifique. Merci. M'en aller, s'évader. Voilà encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Vous la voulez? M'en aller, s'évader. Vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. Just to let you fly, caught a couple of lies. I'll ship her when I'm in a caught a couple of lies. You was your motherfucker, I was so in your eyes. And I guess it was my fault, cause I put it on this class. In public it was happy, in home with the scrappy. Little bit boy naked, joking, smoking and laughing. Make up to break up, I thought that she was love. But it wasn't in that under hard, it's smoking them on a lip. C'est badé. Vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Vive là encore une autre saison. Attention, il y a Ralph qui arrive. Big bullets come, I can spin the week out like football. Play you out like a tory, sacrifice you how we come. And I'm sorry to every single rapper to get hurry. Saying they wanna spawn me cause I think my repertoire. Imagine me if you can call them Maury and the Kalahari. With the band of Rastafaris. You shaking this refugee thing. M'en aller, s'évader. Vive là encore une autre saison, une carte postale comme horizon. M'en aller, s'évader. Oui, voilà encore une autre saison. Une carte postale. Yo, yo, crying their prayers, none again, you never catch me. Wishing on the store for some nigga to come bless me. I try to save it, oh yeah, heavy, didn't trust me. Pushing my borders, what the fuck, mother stress me. Nigga, get a life, go and fight the wife, get the fuck on my face. And if you ain't find that knife and you still call on my phone, act to act polite, yeah. Asking me for favor, now you go and shit that right. Changer de cap, ne pas avoir peur de prendre la route et jusqu'à ne jamais s'arrêter. Changer de cap, ne pas avoir peur de prendre la route et jusqu'à ne jamais s'arrêter. Skyrock, une carte postale. Oui, voilà encore une grande saison. Une carte postale comme horizon. M'en aller, oh, oh. S'évader. Oui, voilà encore une grande saison. Une carte postale. Le live de Tal à l'instant, m'en aller avec Raph. Et d'ailleurs, je fais un gros, gros, gros bisou à Ralph qui va venir cette semaine. Bon, d'ailleurs. On l'attend, il n'a pas pu venir ce soir parce qu'il n'est pas sur Paris, mais il va venir cette semaine. Dans la semaine, on l'attend. C'est lui que vous retrouverez aussi sur ce live de Tal. Merci pour cette première soirée, Tal. Bah écoute, avec grand plaisir. C'est passé vite. C'est passé super vite, comme d'hab. Comme d'hab, juste avant de se quitter, on va faire tourner rapidement la roulette et des places pour Usher. Skyrock, Skyrock t'offre les deux concerts uniques d'Usher en France. Yeah, man. Justine de Nantes qui a peut-être chopé la place d'Usher. Ça va, Justine? Salut, ça va, ouais, impec, merci. Tu connais Tal? Je connais Tal, salut Tal. Ça va? Bah, elle est là, Justine. Ouais, ça va, merci. Elle va te porter chance, j'en suis sûr. J'espère. Allez, croisons les doigts. Allez, on croise les doigts. Dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti, concert de Usher. Il passe le 13 février à Montpellier, le 15 au Zénith de Paris. Et pour toi, Justine? Et ben voilà, c'est fait. Yeah. Tu y seras, concert de Usher, c'est pour toi. C'est pour toi, Justine, concert de Usher. Parfait. T'as la chance, je peux venir avec toi? Excuse-moi, il y a ma soeur qui m'écoute, elle voudrait venir avec moi. Ouais, ça commence à gratter déjà. Ouais, c'est quand c'est ça? Je pense que toi, c'est Paris, non, Justine? Ouais, moi, Paris, ça m'arrangerait, ouais. Paris, ça t'arrange? Bah, c'est le 15 février. Et du coup, c'est une place ou deux? C'est une place pour toi, Justine. Bon, c'est cool. Et ben voilà, on t'envoie ça du côté de Nantes. Et l'intégrale de Usher aussi, c'est ça? Et l'intégrale de Usher, mais oui, l'intégrale de Usher aussi. Yes! Parfait. Tu es mieux renseigné que moi. Trop fort, Justine. Bon, je te fais un bisou. Passe une bonne soirée. Bisous, merci. Bisous, ciao. Ciao, ciao. Merci, Tal, pour cette belle soirée. Irma, on lui fait un bisou. Elle est partie rapidement. Ouais, elle a dû partir, mais elle fait un bisou à tout le monde. Et elle remercie tout le monde. Donc, Irma qui sera en tournée demain quelque part. Ouais, on sait pas. On sait pas. Et mais... sinon, elle nous l'a dit, c'est 31 mars au Folies Bergères à Paris. C'est ça, exactement. Sinon, je pense que vous suivez Irma Musique. Bah, sur Internet. De toute façon, avec Internet, on sait tout. Irma officielle. Ah. Yes. Je crois que c'est Difool qui justement, excuse-moi, est connecté. C'est eux qui t'ont coupé et nous en fait. Coupé la chute, ouais, excuse-moi, Fred. En fait, ils veulent nous dégager, tu vois ou pas? Ah, parce que je suis un peu à la bourre. Non. Il est temps de partir là. Non, c'est ça en fait. Les mecs, les mecs n'ont pas le temps quoi. Faut partir, messieurs dames. Romain, non. Non, c'est juste une erreur, Fred. Non, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Bien sûr. Ça va l'équipe de Difool? Ça va, Tal. Moi, je vais venir taper sur un bouton. Allez, Tal avec moi. Eh, moi j'ai voté pour Happy, je suis content. Ah bah je suis en mets alors. Mais j'aimerais bien un petit Rihanna d'ici la fin de la semaine. Avec grand plaisir. Peut-être qu'on remettra dans les propositions dans la semaine. Avec plaisir. Très bien, parce qu'on peut voter tous les jours, vous savez, pour choisir ce que va nous faire Tal en direct. C'est ça, exactement. Moi j'ai voté, moi. Tu as voté pour Happy. Happy, j'étais content. Et bah écoute, comme combien j'ai dit tout à l'heure, 30 et quelques, ouais. 34% des votants. Ah bah j'écoute, hein. Bon, alors, je vais vous laisser terminer quand même. Bah ouais. Eh ben non, on a fini. Ah bon, on a compris qu'on est. Voilà, c'est bon. C'est cool. On y va, on dégage. Voilà, on dégage. Bon, on se casse. On t'embrasse, Tal. Rendez-vous demain à partir de 20h pour Planète Rap. Fredo, pareil. Bisous à tout le monde. Pareil. Bisous. Bisous à toi, Tal. Et puis, ben nous, on arrive. Donc, vous nous avez entendu arriver, ça y est. Discrètement, on est là. Demain matin, méfiez-vous. Ouais, on se méfie à 9h. Alors, putain, vous allez vous faire virer par Fredo. Demain matin, il y aura un retour de bâton. Le retour de bâton demain, juste avant Fred, à 9h. Bon, on vous souhaite une bonne soirée. Profitez bien. Restez avec nous parce que nous, il va se passer plein de choses. On arrive là, on débarque. Vous pouvez nous appeler dès maintenant. C'est au 01 53 40 30 20. Et puis, qu'est-ce qui nous envoie Soso du 13 qui nous dit on va écouter Iggy Azalea. Eh bien, Soso, les grands esprits se rencontrent. On va écouter Iggy Azalea. On va démarrer avec là tout de suite. Et, puis, en attendant, allez-y. Hein, 41759 skyrock.fm. Vous nous appelez, vous nous laissez des messages et on arrive tout de suite avec vous sur Skyrock. Ciao, Fredo. Salut, ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao.